Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre des tomates. Alors, des tomates, regardez comme elles sont belles. Je vous en mets combien? Il m'en faut 1 kilo. Alors, 1 kg de tomates, 1,1 kg, ça ira. Oui. Et avec ceci? Je voudrais une belle laitue. Une belle laitue. Ils sont à combien, vos oignons? 1 € le kilo. Ils sont pas chers. Oui, et ils sont bons. Alors, mettez-moi 1 kilo. Ce sera tout. Alors, une laitue, 1 kg d'oignons, 1 kg de tomates, ça nous fera, moi, allez, 3 €. Tenez. Merci, bonne journée. Allez, on y va dans l'oignon, on y va!